Ce cylindre, pour se maintenir en équilibre, dut être consolidé par des armatures de fer et assujetti de distance en distance au moyen de traverses scellées dans le revêtement de pierre. Après la fonte, ces travers devaient se trouver perdus dans le bloc de métal, ce qui n'offrait aucun inconvénient. Cette opération se termina le 8 juillet et le coulage fut fixé au lendemain. La fonte devait avoir lieu à midi précis. Depuis le matin, les 200 cheminées vomissaient dans l'atmosphère leur torrent de flammes. La chaleur devint bientôt insoutenable dans ce cercle de four dont les ronflements ressemblaient au roulement du tonnerre. Quelques minutes avant midi, les premières gouttelettes du métal commencèrent à s'épancher. Les bassins de réception s'emplirent peu à peu, et lorsque la fonte fut entièrement liquide, on la tint en repos pendant quelques instants, afin de faciliter la séparation des substances étrangères. Midi sonna. Un coup de canon éclata soudain et jeta son éclair fauve dans les airs. 200 trous de coulée s'ouvrirent à la fois, et 200 serpents de feu rampèrent vers le puits central en déroulant leurs anneaux incandescents. Là, ils se précipitèrent avec un fracas épouvantable à une profondeur de 900 pieds. L'homme seul avait créé ces vapeurs rougeâtres, ces flammes gigantesques dignes d'un volcan, ces trépidations bruyantes semblables aux secousses d'un tremblement de terre, ces mugissements rivaux des ouragans et des tempêtes. Et c'était sa main qui précipitait dans un abîme creusé par elle, tout un Niagara de métal en fusion.